بسم الله الرحمن الرحيم. هذه فتنة, هذه فتنة عرفناها وعرفها من عايشها, وكل من تبصر فيها ورآها رآها فتنة واضحة, فالله يبصر أهل الحق بها. وأما بالنسبة لهؤلاء فأمرهم واضح. الدعوة السلفية, الدعوة السلفية تقدم لكم. ما على الدعوة بأس أبدا, ما على الدعوة دعوة بأس منهم, هو حزب هزيل, حزب هزيل, يترأسه من ترأسه حزب مخضوح, حزب قد عرفه رجال ونساء أهل السنة, فالذي يترأسه أو يؤسسه ترأس الباطل وأراد يؤسس الباطل وأضر بنفسه قبل غيره. تساقط وتناحر الطاعنين في أهل السنة بدماج وشيخها وثبات العلامة الحجوري وإخوانه الشيخ الفاضل أبي حاتم يوسف الجزائري حفظه الله تعالى l'écroulement et les disputes et divergences des diffamateurs des gens de la sunna de Majd et de leur cheikh ainsi que la fermeté de العلامة الحجوري et de ses frères. Traduit et commenté par Abu Taymiyyah Khalil al-Muhtani qui حفظه الله تعالى. Et que maintenant il va démontrer que ces gens-là se retournent les uns contre les autres, D'accord. Après qu'ils étaient soi-disant en apparence, Darsaboum Jabia, Okoloboum Chatta, t'as cru qu'ils étaient unis. Mais maintenant, tu vois que leur cœur s'est divisé, qu'ils mangent les uns les autres, se reprochent des choses. Et que l'Adani, ce qu'on disait sur lui, eux-mêmes le confirment aujourd'hui. Tu vois que nous, ce qu'on disait sur eux, l'Adani, c'est Assad, le confirme sur eux. Troisième partie. Bismillah, alhamdulillah, wassalat. والسلام على رسول الله أما بعد اليوم سيكون الجزء الثالث من هذه المرزمة التي هي تساقط وتناحر من الطاعنين في أهل السنة بدماج وشيخها. Donc là ça va être la troisième partie de ce درس concernant cette marzama. Fi kad marra bina akhazna ma yata'allaq bi suqut ba'd ashab ba'd nasirin 'ala al hizb al jadid 'ala mithal ras al hizb yani Abdul Rahman thumma dhakarna madha kadhalik ma'ahu al imam وذكرنا أيضا هادي بن بريك وذكرنا كذلك ماهر قحطاني وذكرنا بازمول وذكرنا العتيبي وهذا ليس على الحصر هم أكثر هذا بعضهم فقط هم أكثر من ذلك بلا شك وليس كذلك كل من سمي في هذا أنه حزبي سنبقى توت بيرسون dont même les noms ont été cités là dans cette malzama, cela veut dire qu'un jugement de Tahazzoub a été mis sur eux. Mais l'achèque, ils ont eu un jugement de fitna, c'est de maftounoun. Tu vois? Maintenant, est-ce qu'on peut dire que tous ceux qui ont été cités là ont dit c'est des hizbis maintenant, kaza, kaza, kaza, ça, ada yarji' ila l'ulama. J'ai pas entendu Cheikh Yahya, par exemple, dire sur un par un que ce sont des hizbis. Mathalen, je l'avais interrogé par rapport à Maher Qahtani. Il avait dit ça Ibn Hawa. Tu vois, j'ai parti parce qu'il y avait un khilaf entre des frères par rapport à Maher Qahtani, à se comprendre de lui ou pas. Et Shir, il a bien dit, quand je suis parti lui demander, il a dit s'il avait lo Ali Amila bima Amila, ma waqa'a fi ma wafi al-an. Ama wasa Ibn Hawa. Il a dit si Amil avait œuvré parce qu'il savait, parce qu'il connaissait des choses, il ne serait pas tombé dans ce qu'il est maintenant. Et c'est un suivant de passion. Et je lui dis kinhel hada yani an atruk kutubah wa ashritata wa ghayr dhalika. Il a dit celui qui veut prendre ses livres qu'il prenne, celui qui veut délaisser qu'il délaisse. Tu vois, donc elle maintenant kalam ash-shi' yuhammal ala qouli llahi ta'ala wa man sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur. Dans le sens, c'est pas vraiment un choix que t'as, c'est pas genre c'est permis pour toi, tu vois, mais si jamais tu le fais, assume. Le même shi' m'a dit comme ça la zahir man yurid yakhudh min kutubi falyafal. Dans le sens, tu vois. Maintenant, comment on interprète ce que Cheikh va vous dire par là? Parce que c'est vrai qu'il serait à 5 cohérents de dire ça Saïd Bahawa et après tu prends ses livres. Saïd Bahawa, tu le délaisses. Tu vois. Et Maher Qahtani, je crois pas qu'il a beaucoup de kutub. Allah alam. En tout cas, il a dit comme ça dans le sens. Donc j'avais dans Kals Kalam, ça a fait un khilaf entre des frères. Il dit ouais, pourquoi t'as dit ça, Kaza? Je dis moi, je rapporte ce que Cheikh il a dit, tu vois. Je lui ai demandé. Même certains, ils doutaient. Ils disaient ouais, on veut un audio. Je dis, depuis le début de la fitna, on vous parle, vous ne demandez pas d'audio. Puis d'un seul coup, on demande une question à Cheikh. Ah, des frères qui étaient ailleurs. Qui voulaient pas trop, tu vois, qui avaient un truc dans leur cœur, une maladie dans le cœur, tu vois. Qui voulaient faire un peu des problèmes. Et depuis le début, ils demandent jamais rien. Puis le jour où t'as une parole qui vient pas dans leur sens, ils veulent un audio, tu vois. Je dis bah, tu veux un audio, bah, appelle Cheikh, tu vois, prends un audio, bismillah. Maman, je te rapporte comme Cheikh, il m'a dit, tu me fais pas confiance? J'ai un autre. Et voilà, quoi. C'est toujours des gens, tu vois, ils envoient, quand ça rentre pas dans ce qu'ils voient, ils en veulent plus. Demain, tu veux leur dire, par exemple, ils aiment pas quelqu'un, Cheikh, il a dit un tas sur telle personne. Direct, il vous prend direct le calme. Après, il va rapporter une autre parole, on veut un audio. Tu attends hier, quand c'est arrangé, tu voulais pas d'audio. Aujourd'hui, ça va dans ton sens, tu veux un audio. Tu vois, c'est quoi ta la'oub? Hier, j'étais un séquoi pour toi, et aujourd'hui, comme ça va pas dans ton sens, tu te doutes ou quoi. Ils prennent ce qu'ils veulent, ils délaissent ce qu'ils veulent. Naam. Faïdan, un tanbih, par rapport au kalam de... On avait cité un kalam de Ubaid, dans lequel il disait que... Alal hakim, an yastatiba, wa ilaf aduriba unukum. Par rapport à Mohamed l'imam. Que le gouverneur doit l'appeler à faire toba, sinon il doit l'exécuter. Ce kalam là, c'était pas par rapport à la wasiqa en soi, c'était par rapport... Un kalam où Mohamed l'imam dedans il dit quoi? Qu'on ne voit pas le djihad, on ne sortira pas pour le djihad tant qu'il n'y aura pas le Mahdi. Aucun rasoul est envoyé. Et un rasoul, il y a plus de rasoul, c'est ma'alouf. Tu vois? Donc ça c'est un kalam très grave. C'est-à-dire là actuellement, là demain, le gouverneur il t'y appelle. Et le djihad difa, il est wajib à la kul afrad. Il est waqa alay. Tu vois? Le djihad de défense, à partir du moment où tu attaques, t'as un djihad de défense. Donc t'as pas besoin d'entendre le Mahdi ou quoi. Ça c'est encore une autre mas'ala pour dire qu'il y a eu beaucoup de kalam graves. Beaucoup de kalam grave, Mohamed l'imam, il s'est enfoncé gravement. Donc de là, Ubaid a sorti cette fatwa-là. On a été interrogé et l'audio est sur l'autre ders précédent. Donc, je précise que ce kalam de Ubaid était par rapport à ce kalam-là. Il a dit qu'on ne voit pas le djihad, d'accord? Wallah musta'an. Fa'il-yum, biiznillah, c'est un kalam an akbar man farraqa al-da'wa fi hadhihi al-fitna. وهما الجابري عبيد والشيخ ربيع المدخل فوت لي بلو غران كوزان لو تور دون سيت فيتنا ديو لور ستاتيو اوز دي جون بيان كو عبيد بون با اوجوردي فريمون فوالا كوا اما الشيخ ربيع اون سي كيل ان ستاتيو انورم اوز دي جون ميم ترو انورم يا دي رولو سور لوي او بوين كو سي بارل بور دي جون سا بارول سي كوم تو وا اون دي يا ان فيرسي كيل سو دي ان نوفو فيرسي قران كي اريفي او ان نوفو حديث. Son kalam, les gens pour eux, c'est inacceptable qu'on le rejette. Il peut parler sans dalil, on n'a rien à dire. Cache, Arabi, il sait. Et pour eux, il sait tout. S'il parle, c'est qu'il sait. Il sait, dans ce qu'il sait, il ne peut pas se tromper. C'est pas un être humain. Les marsoum. Il ne peut pas faire un ishtihad sur une mas'ala et se tromper. Et même dans la fitna, on a prouvé qu'il sait, Naam, il sait. Et nous, on sait qu'il sait. Et qu'il fait exprès. Tu vois. Là, c'est plus ishtihad ou l'oubissa alay. Il n'y a plus ça. Là, on sait qu'il sait parfaitement ce qu'il fait. Bien que des gens veulent le défendre, au point de diviser entre les frères, des gens qui se disent à la haq, tu vois, soi-disant, ils critiquent le Hizb al-Adani, et malgré tout, ils continuent à défendre Cheikh Rabia, faussement, injustement, ta'asluban, wa inaden, wa ghalvalika. Et ça, c'est à l'amoustan des gens qui sont appelés machéir, qui donnent des durous. Tu les vois critiquer Ubaid, critiquer toute la bande, Amal Matri, faut pas parler sur lui. Au point que si tu parles sur lui, même si t'es sur le haq, il va te descendre. Ça, c'est des gens, c'est très très grave ce qu'ils font. Tu vois, ça va dans la affaire. Il va commencer par قال سقوط عبيد الجابري la chute de عبيد الجابري قال صفحة 11 قال ولقد كان الجابري عبيد في الحقيقة من أول الساقطين في هذه الفتنة التي كان من مؤججي نارها الواقعين فيها وقد بين شيخنا يحيى حفظ الله تعالى فتنته ومكره وما يسعى إليه من بداية الشعلة وكتب في ذلك وطلابه وإخوانه من أهل السنة عدة كتابات وبينات. Donc il dit que lui, en réalité, Ubaid est parmi les premiers à être tombé dans cette fitna. À peine il est apparu, comme tu te rappelles, ça a commencé avec l'affaire de la Jamia Islamia. Et le frère Mounir, j'ai expliqué un peu ça dans les audios, qui s'appelle les contradictions du Hizb et de l'Adani. Donc pas la peine de revenir dessus. Et pour dire que tout cela a déjà été évoqué, d'accord, et qu'on a vu avec quel acharnement il s'est immiscé dans cette fitna, et comment il a paru très très vite son ta'assob dedans. فقال وكان وكانت ابترابته وضلالته وتصيلته البدعية أكبر مسقط له عند أهل الحق لقول الله تعالى والذين كسبوا سيئات جزاء سيئات بمثلها ترهقهم الذلة وقد يسر الله لنا بتوفيقه أن قمنا ببيان حقيقة المنهج الخلفي الذي يسير على الرجل على انحرافه الجلي في كثير من أصول أهل السنة في كتاب طبع بعنوان الحجاج الكاشفة لفتنة الجابري وضلالته الزائفة وها هو ذا في هذه الأيام يثبت بطعنه في أولئك والتحذير منهم حيث لا يدري بأن شيخنا يحيى الحجوري وتلابه وإخوانه كانوا ناصحين للدين والأمة ببيان بغيهم عليهم وتجلية فتنتهم من أول يوم ومصارعتهم في بيان الباطل أول ظهوره وكذي que sa confusion et son engouement dans cette fitna, que en réalité, sa confusion scientifique par rapport à toutes ces fatawas, ainsi que ses fondements innovateurs, la façon dont il déduit ses fatawas et ce genre de choses, ont été l'une des plus grandes causes de sa tombée aux yeux des gens de la vérité. Comme on le dit souvent, on le répète encore une fois de plus, la réalité c'est que ce ne sont pas ses fatawas qui ont fait que ce jugement soit tombé sur lui, de Hizbiya. D'accord ? La première chose, c'est la Hizbiya en soi qu'il avait en lui, du fait qu'il s'est allié et désavoué de façon restreinte pour l'Adani, et qu'il s'en est pris dans la vérité, injustement, et que l'argument lui était établi, et qu'il s'est obstiné, donc de là, il a été rendu Hizbi. Et non pas pour ses fatawas qui, elles, ne sont que le fruit de ses égarements, d'accord ? Et qui laissent apparaître qui sont les conséquences de son injustice. Donc de là, il est arrivé avec des arkem de tamiriya, de ramollissement de laxisme, comme on pourrait traduire, et que bifadlillah, que le cheikh Youssouf, Allah lui a accordé la grâce de pouvoir écrire un livre, un gros moujalled entier, dans lequel il réfute beaucoup de ces fatawas. D'accord ? Pas toutes, parce que franchement, nous en sortons à chaque fois des nouvelles. On ne peut pas suivre le rythme. Tu vois ? Il y a un paquet, et à chaque fois que tu réfutes une fatwa, tu en as une autre quelques jours après qu'il sort, tu vois ? On dit c'est bon, on abandonne. Il va trop vite pour nous, et déjà ce qu'on a donné, ça suffit largement, tu vois ? On ne peut pas toutes les suivre, on n'a pas que ça à faire. On n'a pas que ça à faire. Mais celui qui se contente de peu, hein, alhamdulillah, il se passe du beaucoup. Donc il a appelé son livre, il est sorti, qui s'appelle « Al-Hujjaj al-Kashifa » de Fitnat al-Jabiri wa Dalalatihi al-Za'ifa. Le livre est sorti. Donc il dit par la suite, et le voici, c'est-à-dire Obeid, qu'aujourd'hui, ces jours-ci, il affirme ce que Shia Yahya disait depuis le début, en mettant en garde contre ces gens-là. On va dire que ces fatawas qu'il a émises ne sont que le fruit de son injustice. Vous voyez, il n'est pas moins fort dans ce qu'il dit. Donc de là, comme on dit, il a, en mettant en garde contre ces gens-là qu'il défendait auparavant, il a bien affirmé que notre cher avait raison. Donc c'est une forme d'argument contre lui-même. C'est lui-même qui patronne contre lui-même sans s'en rendre compte. D'accord ? Naam. Donc de là, on va faire un petit khulasa du fait de quelques fatawas qu'il aurait eu, sans tout les citer, parce qu'il y en a, comme je dis, il y en a beaucoup trop. Et certaines sont plus graves que d'autres. Voilà, il y a certaines fatawas, ça n'aurait pas été de lui. Les ulama de la sunna, tu fais un ijtihad de lui, sallallahu alayhi wa sallam, tu vois. Ah, mais lui, avec tout ce qu'il a fait comme mal, parce que certaines fatawas, elles sont graves, d'autres le sont moins, tu vois. Mais il y a des fatawas, d'autres savants de la sunna qu'ils auraient faites, ça n'aurait pas été aussi grave. On aurait dit, l'alim et fulani akhta fi dhalik, ou d'autres savants, certaines de ces fatawas, d'autres savants les ont émises. Un a fait telle fatwa, un a fait fatwa, mais tout le tout là, tu vois, le lot là, c'est lui qui a sorti tout cela, c'est lui qui l'a fait. Mais tu peux trouver des ulama qui ont fait des fatawas similaires à celle-là. Ijtihadan minhum ou akhta'u fiha. Sans pour autant qu'ils aient fait division, qu'ils aient fait tout le mal que cet homme il a fait. Mais il faut savoir une chose, c'est que malgré le hukm de sa fatwa, quand tu écoutes comment son istidlal, c'est-à-dire la chose qu'il prend comme dalil, ou comment il arrive à ce résultat-là, tu vois qu'en fait, c'est comme Shia Yahya dit, il vient qu'une fatwa, au début dit la vérité, à la fin dit le contraire, après il écrit la fatwa, tout seul. Et c'est là qu'il a dit ألم أقول لكم ما عنده خبرة بالفتوى؟ صحيح والله ما عنده خبرة بالفتوى ما عنده بها خبرة البتة يعني هكذا تخبيط طيب امسك لك أدلة يا أخي يضبط عليها أقوالك نمسك الأدلة ونضبط عليها أقوالنا ميزانا وإذا ما عندي أقول الله أعلم تبحث المسألة يعاد إليها والله هذا هو الواجب أما هكذا هبشا كما يقولون صادفت ولا خالفت ما هو لازم هذا ما يصلح الآن هذه الأقوال فيها اضطراب والله فيها اضطراب مع مخالفتها أيضا للدليل أولها وآخرها مختلف والله المستعان طيب صفة صفة فتوى elle est pas bonne du tout elle est pas bonne du tout et souvent il ne donne même pas de dalil dans ce qu'il fait toujours pour la maslaha ou pour arriver à un khair ou pour donc par exemple parmi ces fatwas ma'louf intikhabat les élections. Les gens vont dire, ouais, il n'y a pas que lui qui l'a fait, d'autres l'ont fait. On fait Nam, d'autres l'ont fait, c'est vrai. Mais à la base, une tirabat de qui que ce soit, c'est une fatwa, elle est batila. Que ce soit chier un tel ou un tel, c'est mardoud. Ça, c'est mukhalif kitab wa sunna. C'est un chier dans lequel il n'y a pas lieu d'être. Il y a trop d'adilets qui prouvent que les tirabats sont mamnou'ah muharrama. Mutlakan. Ou la hadha min hukm min ghayri ma anzalallah. C'est le jugement parce que autre qu'Allah fait descendre. Et ça mène de la démocratie. La démocratie, c'est un tarout. Donc il n'y a même pas à dire qu'il y a un khilaf. Il y a un khilaf, non, mais ce n'est pas un khilaf qu'on considère ici. Les fatawas, c'est interdit dans l'absolu. Un nushra, le fait de défaire le sihr par le sihr. D'aller voir un sorcier qui t'a envoûté, qui t'a le payé pour qu'il te désenvoûte. Et ça aussi, c'est une mas'ala, même si on va peut-être trouver d'autres savants qui l'ont émise, et ils sont rares, ils sont peu nombreux. Cela amène à quoi? À ce que tu cautionnes le kufr. Que tu payes quelqu'un pour qu'il fasse le kufr. Ça, t'as pas le droit. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a été ensorcelé lui-même. Il n'a pas fait ça. Donc il n'y a pas de dalil pour le faire. Ça c'est interdit mutlaqan. Et lui, il a appuyé plusieurs fois savoir, il les a faites. D'accord? Plusieurs, pas qu'une fois. Pas qu'une fois, plusieurs fois. On a au moins deux ou trois fois. Et il autorise à faire des bid'a. Dans le fait de garder un masjid. La fatwa dans le site on l'a mise, tu vois. Quelqu'un qui voulait garder un masjid. Il autorisait à faire des bid'a comme le fait de parler du Mawlid Nabawi, le fait de faire des en groupe après les salawat. Ou de faire le kunut pendant le fajr, juste pour garder le masjid. C'est-à-dire, fais des bidats pour prendre la sunnah. On fait ce raisonnement, d'où il sort. Apprends, laisse les gens faire des bidats pour leur prendre la sunnah. Les gens, s'ils ont la bidat dans le cœur, ils ne vont pas la lâcher. Et le jour où tu vas leur dire d'arrêter, c'est toi qui vont te jeter toi. Tu vois. Donc le masjid, laisse le masjid. Cheikh Mogou, il avait une fatwa. Il a dit, ce qui est des bidats, laisse le masjid. Laisse le masjid, va ailleurs. Allah, ardallah wa si'a. Tombe pas dans la munkar avec eux. Également, irtilat, la mixité. C'est ma'louf. Plein de fatwa qu'il a. Le tourisme la mixité. Qu'il avait fait une fatwa dans laquelle il disait que si Sahih al-Bukhari amenait à faire une fitna, alors on dirait qu'il faudrait délaisser mettre en garde contre le livre. Si le fait de lire Sahih al-Bukhari ça amenait à faire une fitna, alors on le délaisserait. Et d'autres ulama, il y a des audios d'autres ulama qui ont été interrogés sur cette parole, ils disent c'est baratil. Dans cette théorie, on prend le mashaf. Le Coran, s'il fait une fitna, on va te délaisser aussi. On peut aller loin comme ça. Le haq, on prend le haq. Tu vois. Et Sahih al-Bukhari, min as'al kutub al-musannafa. Ils ont dit cette parole-là, elle est batila. Son temps sur Kabd al-Malik. Le ma'louf qu'il a parlé sur Kabd al-Malik. Après, il a voulu faire une fausse tauba. Fausse tauba, tu vois, un peu comédienne. Il n'a pas reconnu qu'il a dit du mal sur lui. Il a voulu faire non, ce que j'ai voulu. Il n'y a pas ce que j'ai voulu. Quel est mon cas batil? Dis-le clairement. Son temps sur Youssouf, alayhi salam. Youssouf n'a pas été juste, il dit. Tu vois, n'a pas été juste du tout. Sa fatwa sur Birmingham, on la connaît. Que tu peux aller faire l'hijra à Birmingham. Après, il a dit non, j'ai pas voulu. Il a voulu faire un toba. Moi, je ne vise pas toute l'Angleterre, j'ai juste le quartier de Birmingham. C'est Birmingham, c'est où alors? C'est où alors? C'est pas en terre de coufre. Tu vois? C'est comme demain, je te dis, ouais, va faire l'hijra à Barbès. C'est pas à la France, juste à Barbès. Et Barbès, c'est où? Donc dès que je sors de Barbès, je suis en terre de Kouf. J'ai combien péché? Je sors de Barbès pour aller par exemple, je sais pas moi, je vais à Bastille. Quartier Bastille. Khalas, j'ai combien péché alors? C'est, tu vois? Mais bon. Travailler dans une banque de riba. Dans les vignes. aller dans les vignes pour sortir du raisin, pour le voir déjà qu'ils vont faire du khamr avec, de l'alcool. Et dis-toi, ce qu'ils font derrière, ça ne te regarde pas. Alors, tu sais qu'ils vont faire du vin avec, travaille quand même. Tu vois, il est autorisé. De regarder des matchs de football, la Coupe du Monde. Non, il est autorisé. De sailler la barbe pour être policier ou militaire, il est autorisé. Regarder les dessins animés, parce que les enfants ils s'ennuient. Ou les documentaires animaliers. Tu vois, il est autorisé. La musique. Il n'a pas autorisé, mais il a autorisé d'assister dans un cours où il y a de la musique. Pour en fait, pour avoir, faire un examen. La fatwa, on l'a mis sur le site, pour ceux qui veulent revenir. Que tu peux assister à un cours de musique pour pouvoir, après, passer l'examen pour avoir le diplôme. Mais dis, dans ton cœur, faut que tu le testes. Bah, tu sors, mon frère. Tu vois? Elle est où, la Daroura, là? Il n'y a pas de Daroura là-dedans. Lui, il dit, tu peux. Mais dans ton cœur, faut que tu le testes, cela. D'étudier chez des ISB. Il n'y a personne d'autre. L'autoriser. D'écouter des cassettes de Sururi qui rentrent sur les Mu'tazila ou quoi. Ah. C'est des CDSB aussi des Ikhwani. Et il dit que si jamais il n'y a que eux qui ont des cassettes pour rentrer sur les Mu'tazila ou quoi, à Sha'ira ou ce genre de choses, tu peux écouter leurs cassettes. Il a fait l'éloge de l'Azhar. Le Jamat al-Azhar qui est en Égypte, qui est Musa. Ahmad Demej, il a démonté Demej. Comme tu le sais. Qu'il a autorisé de prendre la djinsia des Koufars. La nationalité. D'accord ? De travailler dans la police des mécréants. Ou la police ou l'armée. J'ai plus en Espagne, il a fait une fatwa, il est autorisé. D'être footballeur pro. De vivre d'un salaire, d'être footballeur pro. D'assister à un mariage où il y a de la musique. La codier de l'affaire de Jamal Islamia, tu la connais déjà. Qu'un étudiant en médecine peut. Faire accoucher une femme, au moins être présent et au moins il baisse le regard. Il fait accoucher la femme et il regarde pas. Je sais pas comment il va faire. S'il va pas la tuer, Allah alam. Et sans compter tous ces mensonges sur le chat Yahya, tu vois. Donc il y a des fatawas là, Yahya, Wallah, on dit le haq, elles te font rigoler. Tu rigoles, tu vois. T'es obligé de des fatawas, c'est demain on prend des gens, c'est arrivé. On dit pas c'est qui. On dit la fatwa, la personne rigole. Fait, mais qui c'est qui a dit ça? On vous dit c'est Cheikh Obaid Jabiri. Là il ne croit pas. Et tu fais écouter l'audio, il ne sait plus quoi dire. Et avant que tu saches qui il est, il a rigolé. Il dit mais c'est quoi? C'est absurde cette fatwa. Par exemple, le fait de faire accoucher une femme et tu baisses le regard. Excuse-moi, tu écoutes ce genre de fatwa, tu dis mais on va où là? Comment tu fais accoucher une femme, tu ne regardes pas. Ou tu le fais clairement, tu le fais pas, tu vois, mais c'est pas du fait à moitié. Eh ben sors, tout simplement sors. Quoi, ça veut dire que toi là, sans ta présence, elle va mourir cette femme. T'es obligé d'être là. Sors de là et fais venir une sage-femme, comme on dit. Mais tu sais, les gens arrivent, ils n'ont pas de recul. Et après ça, comme cela va venir, cet homme a été décrit par le porteur de l'étendard du Jarl Tardil comme étant un imam dans la salafia. Un imam dans la salafia, c'est-à-dire un guide, un meneur dans la salafia. Regarde les fatwas, mon frère. Et ça, c'est quelques fatwas, il y en a plein d'autres encore. Que si jamais il y a un dentiste homme qui est trop cher, tu peux aller chez une femme. Par exemple, ce genre de choses. Ouais, des fatwas comme ça, tu vois, tu dis, mais bon, voilà quoi. Après, il parle de qui? Une fois qu'il a fini avec Obaid Jabiri, Obaid, on a tellement parlé de lui, tu vois, on n'a pas encore envie de s'attarder sur lui. Il y a Cheikh Rabi al-Matrali. Il dit, فقد كان تعصبه العدني عبد الرحمن وشلته ومن تبع ذلك من تصرفاته واضحا. Là. Amma al-An, donc il dit lui son ta'assou pour l'Adani, il était clair, qu'il le défendait clairement, tout en sachant ce qu'il a fait comme mal. Et il a été incapable de pouvoir le défendre scientifiquement, de démontrer que ce qui a été émis comme jugement sur lui n'est pas valable. Il n'a pas pu. Lui justement, le grand savant, peut-être le plus grand savant de l'époque pour beaucoup de personnes, celui qui bayait Nubatil, il n'a pas été capable de défendre Abdurrahman al-Adani et de faire un livre, ou de faire un écrit, ne fasse qu'une malzama, démontrant que ce qu'il a fait, ça ne contredit pas les Usul. Il n'a pas pu le faire. On se demande pourquoi. Donc il dit lui, son ta'assoub était clair. Pour quiconque a suivi la fitna, c'était clair qu'il le défendait injustement. Alors que Adani a fait des choses, que d'autres gens ont fait la même chose contre Rabbi al-Matrali, il va hazab pour ça. Tu vois. Et je conseille à ceux qui veulent de lire le conseil que Cheikh Saïd Da'as, Rahimahullah Ta'ala, a écrit. il est sur le site, et en arabe, pour ceux qui ont l'arabe, de le relire. Dedans, il explique bien que Charabia, elle est injuste. Dans le sens que, quand c'est contre toi, tu réagis, quand c'est pour les autres, tu réagis pas. On dirait que tu as construit ton alliance, ton désaveu par rapport à ta personne à toi. Si on s'oppose à toi, là, tu sors des choses. Et quand c'est d'autres personnes, tu dis rien. Il a bien démontré cela. Donc, il dit qu'après cela, tout le mal qu'il a fait dans cette fitna, des paroles de lui très graves dans la masala de l'Irjé sont apparues. Des codes de l'Irjé. En fait, le Coran, c'est que Charabia, il voit que celui qui délaisse les actes de façon absolue, les actes des membres, on parle extérieur, mais que dans son cœur il croit, ça ne fait pas de lui un kafir. C'est-à-dire qu'en fait, il a sorti les actes de la foi. Pour lui, la foi, c'est al-qawl bil lisan wa al-i'tiqad bil qalb. Amal amal bi jawarih, c'est juste une perfection de la foi. D'accord ? Les paroles étant en conformité avec le mazhab du Murji'a, faisant sortir les actes de Moussam al-Iman, ce qu'on appelle la foi. Et Cheikh Youssouf lui-même, Hafizallahu Ta'ala, a ici aussi écrit un rad par rapport à cette mas'ala. Et dedans, il précise bien au début dans la Muqaddima qu'à la base, ça niait lorsqu'il a écrit ce rad, c'était quoi ? Que des gens, pour dire l'équité, c'est que des gens lui ont dit, regarde aujourd'hui, des gens là s'en prennent à Charabia et disent que c'est un mourji. En disant telle et telle parole. Donc écrit un rad pour le défendre. Donc Youssouf, comme il le dit lui-même dans la Muqaddima de son rad, dis donc, je me suis mis, toi, je dis, je vais le faire. Il y a un différent en din. Enfin, tu défends le haq, en fait. Sahib le haq, tu le défends. Donc, il a dit quoi? Qu'il a suivi les paroles de Matrali pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il lui reprochait. Il s'est dit, je me suis rendu compte qu'en fait, oui, ce qu'il lui reprochait est réel. En lisant, je me suis rendu compte de vraiment des paroles de Irja. Fi'alan. Il a dit, même dans ces paroles anciennes, j'ai lu un peu dans le passé, des paroles anciennes, même ces paroles anciennes, il y avait quelque chose qui était lié à ça. C'est pas tout nouveau, tu vois. Maintenant, on va dire peut-être que c'est plus. Allah Alam, moi, à l'époque, j'ai la fitna qu'il y avait avant, je ne l'ai pas suivi. Avec Fa'al al-Harbi, car ça lui était reproché ce même genre de choses, mais j'ai pas suivi c'est à quoi elle ou quoi. J'ai pas suivi, donc je suis pas au courant. Mais j'ai lu des kutub à lui dans lesquels il disait confiance ce qu'il dit maintenant. Il dit que les actes font partie de la foi, clairement, tu vois. Il dit comment on peut concevoir qu'une personne se dise musulmane et ne fasse aucun acte. Il dit c'est pas concevable. Et aujourd'hui, il dit ça, c'est ce qu'il dit. Donc la contradiction, quand est-ce qu'elle a apparu, je la connais pas, tu vois. Mais dans son livre de Majmou' Fatawa qu'il a, en deux volumes, tu regardes dans le Qism de Murji'a, tu vois bien qu'il affirme bien l'akida des salaf dans l'Iman. Il voit bien que l'armel d'akhila fait l'Iman. Il a dit à quoi, donc c'est Ajib, il se contredit aujourd'hui. Donc Youssouf, il a mis son rod par rapport à ça. Donc de là, comme tu sais que Charabia à la base, il est très guetté par beaucoup de gens. Donc les gens sont tombés sur lui. Avec ses paroles. Ils sont mis à appeler les ulama pour savoir quel était le jugement de cette parole qu'ils disaient, de façon générale. Le Fawzan a été appelé, Al-Rajihi a été appelé, Al-Rudayen a été appelé, même Al-Abbad, je crois, ou plusieurs ulama ont été appelés. Et tous ont blâmé cette parole-là. Comme cela va suivre, et certains l'ont nommé, certains l'ont pas nommé. Donc il dit quoi, par exemple? Il y en a un qui avait écrit, bon, hein, c'est aussi des matrouks pour nous, tu vois. C'est qui a écrit au Mufti d'Arabie Saoudite, il a envoyé un livre par rapport à un délit de Charabia dont il va parler. Et le Mufti il a écrit une feuille avec le tampon et tout. La feuille a été mise sur le site Al-Uloum pour ceux qui veulent la voir. Dedans il dit bien que on va lire ce qu'il dit. Après avoir fait le salam, il dit Isharatan l'istiftaik al-muqayyid. Fil amanati el ama li hayat kibal el ulama, Rock m'a prédit le numéro avec après la date, c'était en 1435. Par rapport au livre El Maqalat el Athariya fi Rod al Ashubwat wa Tarshibat el Haddadiya, le docteur Rabia ibn Hadi al Matrali. Donc il cite bien par rapport à ce livre, en citant l'auteur, donc il sait de qui il parle. Ufiduka anna sabak sudur adad min el fatawa fi Rod al Amisadi al Mas'ala. من اللجنة للفتاوى وفيها الكفاية إن شاء الله في رد في مثل هذه التوجيهات. Donc il dit que des fatwas ont déjà été mises auparavant par rapport à ce sujet. Le sujet qui concerne ce livre. En ce qui concerne quoi? Al-Irja. Donc il sait de qui il parle. Il sait de quel livre il parle. il sait de quel sujet il parle. Il ne peut pas dire oui, c'est un kalam âme, c'est pas un kalam âme qu'il a fait. Là, c'est un kalam khas. D'accord ? Et pareil, après, toutes les fatawas ont été mises, les photos de scanner ont été mises sur les sites. Le problème, c'est que c'est des sites Al-Afak, et eux-mêmes, c'est des gens, ils ne sont pas mortabaron pour nous, tu vois. Ils ont du roulou dans des masahil, ils ont du tamir dans d'autres masahil. Donc voilà quoi. Et après, il a signé. Et toutes ces fatawas qui ont été mises tournent autour de quoi ? De l'irja. Sur lequel il rôle sur la shubuhat du hadith de la shafa'a, lam ya'mal khayran qat, qui n'a jamais fait de bien. Donc ça se sert de ce hadith-là pour voir que le fait de ne pas faire d'œuvre et d'avoir la foi dans son cœur, cela peut suffire à faire de toi un croyant. Et ça, c'est encore un autre sujet qui mérite. Le frère Abdullah Al-Adi, il a fait un audio pareil par rapport à ça. Il explique même la mas'ala. Là, on ne veut pas la mas'ala en foi. Juste on l'évoque, pour savoir de quoi on parle. Amal al-Rad sur la mas'ala de l'Imen, ça c'est autre chose. D'accord, c'est autre chose. Et bien que ce hadith, il a des ta'wilat. L'âme yamel khayran qat, il y a plein d'explications qui sont venues, claires. Pour dire ce que ça veut dire. Naam. Tayyib. Également, Cheikh Fawzan, Hafizahullah ta'ala, est interrogé. قال وزعموا كذبا على السلف بأنهم جعلوا جنس العمل ركنا في تعريف الإمام هذا كذاب منه هذا شيخ واحد أحسن الله إليك اسمه ربيع المدخلي لا هذا كذب Il dit que le questionneur il dit quoi que certains ont prétendu mensongèrement que les salafs yani qu'ils ont menti sur les salafs en disant qu'on aurait mis les actes comme faisant partie dans la définition de la foi alors c'est ma'louf les salafs ils l'ont dit Tu vois Donc Cheikh Fawzan, qu'est-ce qu'il a dit Il a dit, ça c'est un mensonge. Qui c'est qui a dit ça D'accord L'autre il répond, il dit, Aada wahid ya shir ismuhu Rabi al-Matrali. Une personne qui s'appelle Rabi al-Matrali. Cheikh Fawzan dit, non, ça c'est un mensonge. Alors, attention, il dit que c'est un mensonge, tu vas dire que les salafs ils ont dit ça, c'est un mensonge. D'accord Non. Également, Cheikh Rajihi a été interrogé, plusieurs fois, je crois que c'est ceux qui étaient plus interrogés par ces gens-là. Et dans le sens où il dit, ترى أنك تقرأ كتاب السنة وتترك أقوال مدخلي أقوال مدخلي خذ القرآن والسنة لك طيب يا شيخ طلبة العلم من الذين ما علي منك ما أدري ما علي منك أنا تتبعت أقواله أنا ما علي عندي الكتاب والسنة التي إثبات أن الله دخل في مسمى الإيمان وأن من نفع الأعمال داخل قال الأعمال غير داخل في مسمى الإيمان هذا النوع دي سواء مدخلي أو غير مدخلي ما أدري عنه الشيخ دي كوا Je vois que moi tu dois lire le livre la Sunna et que tu délaisses ces paroles de Al-Matrali. Crois le Coran et la Sunna et la Sunna te suffisent. Clairement. Et plus loin il dit également, en coupant le questionnaire, il dit Ma alayna minhum. Nous on n'a rien à faire d'eux, ces gens-là. D'accord? On n'a rien à faire d'eux. Il dit Moi j'ai suivi ces paroles et ce que j'ai chez moi c'est le livre de la Sunna. Et que les œuvres font partie de la foi. Et que celui qui dit que les œuvres ne font pas partie de la foi, c'est un murji'a, qu'il s'agisse de Matrili ou autre que lui. Celui qui dit cette parole-là, c'est la parole de murji'a. D'accord ? Pour ce cas-là, il est, voilà, wadih. Et après, il y a plein d'autres paroles qu'il cite. Il y a une fatwa de Al-Rodayan, il a mis des fatwas de Cheikh Rajihi, plusieurs, dans lesquelles ils disent bien, par exemple, une autre plus tard qui disent, et dans chaque fatwa, il est nommé. Cheikh Rabi'a est nommé. Donc, ils savent de qui il parle. Maintenant qu'un autre audio serait sorti de Cheikh Rajihi dans lequel il dit que il n'a jamais dit que Rabi al-Matrali c'est un mourji. Et quand on regarde les fatwas, non, mais il n'a jamais dit que c'est un mourji. Il n'a jamais dit Rabi al-Matrali c'est un mourji. Les fatwas, il dit cette parole-là c'est une parole des mourjis. Celui qui dit ça c'est un mourji. Est-ce qu'il a dit Rabi al-Matrali est un mourji, il ne l'a jamais dit. Personnellement, je ne vois pas qui l'a dit. Et je vois les fatwas, jamais il l'a dit. Il a décrit les paroles comme faisant partie de l'irja. Et après l'affaire Kalam Aram, en disant celui qui dit ça, C'est Amouri. Donc comprends comme tu veux comprendre. Moi j'ai j'ai jamais eu d'audio où il dit Rabi al-Matrali Mourji. Si quelque part vous l'avez vu, ben faites-le nous écouter, nous on l'a vu nulle part. Nous on l'a entendu. Donc ça rien de faire tout un scandale. Ceux qui disent ça c'est des menteurs, Cheikh Lachey il a jamais dit ça. Et ouais, et personne ne l'a jamais dit non plus. Maintenant c'est des gens qui ont dit que Rabi al-Matrali c'est un Mourji, c'est leur problème. Donc faut des gens ils arrêtent de faire leur tatamar là, faire tout leur tumulte pour défendre le Bouratil. Et lorsqu'il a critiqué ces paroles là de Mourjia, pourquoi ces gens se taisent Quand tu as des fatwas de ulama où son nom est nommé, ses paroles sont nommées, et qu'un jugement a été émis par rapport à cette parole-là, ils disent rien du tout. C'est le silence total, silence radio, comme on dit. Et le jour où même Alim dit, Moi, chez Arabia, je prie Al-Sunna. Elle a écrit, ah, regardez et tout. Mais pourquoi tu ne parlais pas avant? Toi, ton seul but là, c'est pas sauver l'Aqida, c'est juste sauver le Rajoul. Ça, c'est Ta'assum. Parce que vous êtes là, on vient au Kibar. Bah, quand les Kibar, ils ont parlé, pourquoi c'est pas les Fatawas, elles ont été mises sous silence. Vous ne les propagez pas. C'est ça qui est étrange, ces gens-là, tu vois qu'ils n'ont pas d'insaf. Ils n'ont pas d'insaf. Toyeb, là, il y a un truc que je voudrais rajouter à cette Malzama. Le fait que. Démontrer que Cheikh Arabia, c'est une personne qui a de l'exagération dans ses paroles. De la Mubalara, dans le Jarh. Quand il parle, il va trop loin. Surtout quand il parle de ceux qui s'opposent à lui. Quand il est dans une affaire entre lui et quelqu'un, même s'il a raison, il a des paroles, il va trop loin. D'accord ? Et là, le frère Mohamed Siwari, il a écrit une Malzama, dans lequel il cite des exemples de ça, de prise de ses kutub. Et là, on va lire certains passages. Il dit dans son livre, Sharh Aqidat al-Salaf, des Sabouni, en page 91, en parlant de Assad al-Faleh al-Harbi. D'accord ? Il parle de qu'est-ce qu'il dit ? Il dit, Ar-Rawafid indoum shay'un min al-adab, min al-akhlaq, afwan, wa al-adab. Ar-Rawafid indoum kazib, wa fujur, wa khubth. ولكن لا يلحقون هؤلاء في الفجور والكذب وقلة الحياء وسوء الأدب وقلة المروة. Donc il dit quoi? Attention, que les Rawafid, ils ont un peu de comportement. Tu vois? Ils ont une certaine valeur humaine, on va dire. Ils ont du mensonge, c'est vrai. Ils ont de l'immoralité, c'est vrai. Ce genre de choses. Cependant, ils n'ont pas atteint le stade de ces gens-là dans l'immoralité. Le stade de qui? Des Assad de Fahel al-Harbi. Et ils n'ont pas autant de manque de pudeur que ces gens-là. Que les Rawafid ont plus de pudeur que les Assad de Fahel al-Harbi. Et ils n'ont pas autant de mauvais comportements que ces gens-là. Parce que tu vois le Mustawa. Alors que les Salafs ont bien dit qu'il n'y a pas Mafi Adar à l'Islam min al-Rawafid. Même ils ont dit que c'est les Char Tawaif, Char al-Kharq. Les plus mauvaises créatures, c'est les Rawafid. Regarde ce qu'il dit lui. Tellement il n'aime pas les Assad de Fahel al-Harbi, regarde ce qu'il dit, que les Rawafid sont peut-être meilleurs que sur beaucoup de points. Tu vois? Ça c'est quoi? C'est pas Mubalara ça? Assad al-Faleh al-Harbi, c'est des musulmans. Les Rawafid, c'est des kuffars. Regarde un petit peu. Tellement la colère t'amène à dépasser les limites. Ça c'est page 91 de son livre. Dans l'édition, l'imam Ahmed. Page 71, qu'est-ce qu'il dit? Wallahi, radadna ala Rawafid wa sakatu. Radadna ala Sufiya wa ta'addabu. وردوا ردودا خفيفة وانتهى الشيخ باو جو سي با سكي دي بريف اما هؤلاء فتنتهم لا تنتهي وقائمة على الكذب الخالص فامر خطير جدا دونك دي والله on a réfuté les Rawafid, ils sont tués. On a réfuté les Soufia, ils sont tenus droit après. Ils ont répliqué mais de façon légère. Et khlas, leur cinéma s'est terminé. Mais cela là, en parlant de qui? Fahel al-Harbi et Ashab, la fitna s'arrête jamais. Et tout le temps sur le mensonge pur. L'affaire est très dangereuse. Donc il dit quoi? Qu'il a réfuté, il a réfuté les Rawafid, ils sont tués. Où sont tués les Rawafid? Où ils sont tués les Rawafid? Est-ce qu'aujourd'hui ils parlent? Quand ils sont tués? Regarde ce qu'ils font actuellement au Yémen, ce qu'ils font en Irak, ce qu'ils font partout. Quand ils sont tués? Tu vois, regarde pour montrer le Mubalara de la personne. Les soufis, depuis quand ils sont tués? Ils sont tenus droit, ils ont arrêté. Oui, ils ont arrêté. Cette secte elle existe depuis bien longtemps. Et avec aussi jusqu'à comme ça, tu vas peut-être, alhamdoulilah, être une cause pour que des gens ouvrent les yeux sur eux. Mais faire éteindre la secte du Kouliya, sûrement pas. Les faire taire, tu n'arriveras pas. C'est des choses que Allah il a mis ici pour être serviteur, comme Shaitan. Tu vas pas les faire taire, pour te dire la Mubalara. Après, il dit quoi? Page 71, toujours. Wahum, il parle de qui? De Faleh al-Harbi et de Sa'asam. Tout bien ce qu'il va dire là. Wahum akhtar ala l'islam, indi min al-Rawafid. وأهل البدع أخطر وأشد وأكنى أكثر حقدا على أهل السنة على أهل السنة من هذه الفرق. Donc il dit quoi? Ils sont plus dangereux pour moi ces gens-là, parlant de ceux qu'il appelle les Hadadiya. Ils sont plus dangereux pour l'islam que les Rawafid et que les gens de la Sunna, les gens de l'innovation enfin, que les gens de l'innovation. أخطر est pire et qu'ils ont plus de mépris. Et de rancune envers les gens de la Sunna que les Rawafida. Que les Hadadiyah, ils tuent les gens. Ils tuent les Salafis. Ils brûlent leurs maisons. Ils les torturent. Ils leur font des hisars. Ils font ça. pour te dire comment ça va loin. Là, il parle au moment de la guerre entre lui et Fahalih, pour dire comment la haine envers un peuple te fait dépasser les limites. Il dit quoi également ? La ara achar minhum al haine, page 91. Je ne vois pas plus mauvais que eux, actuellement. De qui ? Fahalih Harbi. Je ne vois pas plus mauvais que eux, actuellement. Je suis là, bon. Kin ou laika mouchar ou bariya. Et toi, tu viens, tu ne vois pas plus mauvais que eux ? Tu vois un peu ? Pas mal. En page 68, qu'est-ce qu'il dit ? Fujour la nazir ala. Hatta al khawarij wa rawafid ma wasalu ila hada al fujour. Il dit une immoralité sans égale. Il dit que même les khawarij et les rawafid n'ont pas atteint cette immoralité. L'immoralité de qui ? De Haddadiyya. 173. Page 173, il dit quoi dans le même livre ? Al nas hatta al rawafid. مشغولون بالدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. Écoute bien. وهم لا شغل لهم إلى التعن في أهل السنة. Il dit, regarde, même les gens, même les rafides, hein, sont occupés à défendre le prophète صلى الله عليه وسلم. Les rafides, hein, ils défendent le prophète صلى الله عليه وسلم. Mais eux, la seule occupation, c'est quoi ? De diffamer les gens de la sunna. Regarde. En page 173, il dit, الآن المواقع الخبيثة للرافد وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية من أهل السنة ويقولون أهل السنة الآن والوهابية مختلفون أي نحن نقول هؤلاء ليسوا من أهل السنة هم مثلكم أعداء وأشد منكم عداوة لأهل السنة. Donc il dit aujourd'hui dans les mauvais, dans les sites mauvais de Rawafid et autres, ils se mettent à critiquer les gens de la Sunna et considèrent la Hadadiya comme faisant partie des Ahl Sunna. Ils disent, regarde, El Sunna aujourd'hui, avec les Wahhabiya, font khilaf. Il dit, nous disons que ceux-là, en parlant de Hadadiyya, ne sont pas des El Sunna. Ils sont comme vous. Ennemis, ou voire plus grand ennemi envers la Sunna que vous. Tu vois un peu ? Il dit 80, page 91. Phrase très très grave, il dit. La tajid, ta'ifatan hatta fil kuffar. La tajid. أسوأ من هذه الطائفة فالح وأصحابه أقل أدبا وأسوأ أخلاقا وأكثر أخلاقا منهم دي même chez les kuffar. D'accord, tu ne vois pas un groupe aussi mauvais que ce groupe, c'est-à-dire le groupe de فالح, qui est ayant aussi peu de comportement et un comportement aussi sale et aussi mauvais que ces gens-là, même chez les koufars. Tu vois un petit peu. On va dire que là, aujourd'hui, même, on va dire les satanistes, là, les gothiques, on va dire les nudistes, on va dire les francs-maçons, ça va arriver. On va dire tous ces gens-là, les punks, vous voyez, les drogués, à ça de la techno, là, ces gens-là, là. Les braqueurs, les voleurs, les violeurs. Même chez eux, t'as pas pire mauvais comportement que tel al-Habli, c'est Assab. Comment on appelle ce genre de paroles ? Ça, c'est pas du balara, ça ? Exagération ? Hein ? Et le livre, il est édité et sorti, hein ? Il aurait pu dire, ouais, c'est la collage, je dis ça, là, on enlève. Non, le livre est édité et sorti. Maintenant, si ça fait Toba, c'est à quoi là, je suis pas au courant. Tu vois ? Si ça fait Toba, c'est à quoi là, je suis pas au courant. Quelqu'un nous en informe, et alhamdoulilah, on enlève les paroles. On n'est pas au courant qu'il fait Toba. Le livre est édité, même je l'ai chez moi. Je l'ai lu, j'ai mis les pages, édition d'Ibam Ahmed, celui qui veut revenir, il va les trouver. Donc, c'est-à-dire que le livre, il a relu. En tout cas, la malzama de Chir, du frère Siwani, elle est sortie, il est au courant. Donc, normalement, il doit revenir. Donc, ce qu'il voit que ces paroles-là, ils ne voient pas qu'elles sont exagérées. Allah alam. Qu'est-ce qu'il dit après ? Dans un arad sur Al-Halabi, qu'est-ce qu'il dit ? Al-Halaka Thaniya an Al-Halabi wa Ashabihi. En page 6. Qu'elle est « Wala Ahad » ولا أجد فن ولا أجد فرقا بينهم وبين الماسون المحاربين للإسلام باسم الإسلام بل لقد فقتموهم بتأسيل الهدام. Il dit, je ne trouve pas de différence en parlant des Ahsab al-Halabi, parce que tu sais que c'est la guerre entre les Halabi et Halabi, c'est un Hizbi, on ne défend pas non plus, ni Fahalih, on ne défend pas non plus, attention. Mais on dit wa'adilu wa akrab al-taqwa, soyez juste. Donc il dit quoi? Je ne vois pas de différence entre eux, Ahsab al-Halabi, et des francs-maçons. ceux qui combattent l'islam au nom de l'islam. Disons même, vous les avez dépassés avec les fondements destructeurs pour l'islam. Rien n'a plus le calam. Que le Harabi, c'est Assad, on ne voit pas de différence entre eux et les francs-maçons qui combattent l'islam au nom de l'islam. Après, il y avait un frère qui s'appelle Mohamed Jumeida, qui était à Sarda, connu à Demmej, qui l'a rapporté devant un grand nombre de toulèbes, et Shayaha était présent. Shayaha était présent, et d'autres toulèbes, dans lequel il dit qu'il était dans la voiture avec Cheikh Rabia, et qu'ils ont commencé à discuter, et qu'ils ont parlé de Cheikh Fawzen. Et que Cheikh Fawzen, il a dit quoi ? Salih Fawzen Munafiq. Cheikh Rabia a dit ça. Et ce calème-là, Shayaha l'a dit en plein vers devant tout le monde, rapporté de lui. Et le frère, il a juré par Allah. Et sa femme est connue auprès des frères de Dimash. Il me dit de mes oreilles, dans sa voiture avec lui, il a dit quoi ? Salih Fawzen Munafiq. Est-ce qu'on a entendu Charabia dire, voilà, j'ai jamais dit ça ? Allah Alam. On n'est pas au courant qu'il ait dit cette parole-là. Donc maintenant, après ce fameux audio pirate qui est sorti sous la veste, lorsqu'il a bien critiqué Shayahia, d'accord ? L'audio qui a fait le tour du monde, qui a fait la joie des maftouns et des hisbis. Alhamdoulilah, genre on dirait qu'il y a un Jibril Nazel, Bil Wahi Jadid. Ça fait trop longtemps qu'on attendait ce verset. Nouveau verset, Charabia a enfin parlé. Un MJ, c'est qu'il est parlé avec sa voix. Il y a sa voix, un audio, et dedans il critique le Hadjou, il dit ça que je voulais, moi. Même s'il dit que c'est un homosexuel, il dit que c'est un voleur, ce qu'il veut, j'en ai rien à faire. Je veux qu'il parle. L'audio est sorti, c'était il y a 3 ou 4 ans, je ne me rappelle plus. Dans cet audio, qu'est-ce qu'il dit ? Al-Matrali, qu'est-ce qu'il dit ? Il dit Wallahi, la yujed, shars ala salafiyya, kul salafiyin mubtadi'a. Wallahi, lam yabqa al-yom. Ahadun ala salafiyya, kul salafiyin al-an mubtadi'a, bistisna yahya. Kulluhum mubtadi'a, al-du'at, al-mashayikh, kulluhum taht agdamihi. Ironiquement, parlant de Yahya, il dit aujourd'hui, voilà, il n'y a pas de salafi, que des innovateurs, à part Yahya. Tout le monde s'est mubtadi'a, genre on disait que Yahya dit cela, qu'il n'y a pas de salafi sur terre à part lui. Il dit, quand elle a dit ça ? Quand elle a dit ça ? Ça, c'est pas de la mubalara, ça ? Tellement il a voulu mal parler sur lui qu'il a dit des paroles, elles sont allées trop loin. Mayajouz, t'kallem. Hein ? Fi arik mahat al kafir, tu n'as pas le droit de dire à un kafir ce qu'il n'a pas dit. Comment tu dis ça ? Il dit Wallah, attention, il jure par Allah. Il dit Wallah, que Shayha, pour lui, il voit qu'il n'y a pas de salafi alors qu'il est à part lui. Et que tout le monde est sur ses pieds. Regarde un peu. Après, on dit qu'il n'y a pas de rouleau. Non. Ça, c'est pas exagéré comme parole, ça ? Il dit quoi également dans l'audio ? Il dit. إذا استمر على أسلوبه سجع يحيى هذا سوف يسبب فتنة لا نظير له لا نظير له si continue avec sa façon de faire ce chemin qu'il envoie qu'il emploie سجع يحيى الحجوري il va causer une fitna sans égal sans égal je ne sais pas c'est qui يحيى الحجوري mais une fitna sans égal le petit يحيى pour lui quelqu'un dans le même audio dit un tatarib al-ilm un ta'alim dit un étudiant t'es pas un savant un petit tatarib al-ilm va faire une fitna sans égal dans le monde entier pire que le Messel Dajjal. Regarde un peu les paroles comment elles sont graves. Il dit quoi également ? Il dit Toulabu Ghuloun la Nazir Allah. Ces étudiants sont des exagérateurs. Une exagération sans égal. Tu sais quel rouleau ça mène au Kufr ? Ça mène au Shirk, ça t'amène à adorer le Salihin et le Kubur, ce genre de choses. Regarde que ces Toulab, ils ont un rouleau sans égal. C'est-à-dire qu'on a dépassé les mouchriquines. Sans égal. Parce qu'il n'a pas qayyid. Il n'a pas, il a là, c'est kalam mutlaq qu'il a dit là. Il n'a pas qayyid. Il n'a pas expliqué ce qu'il voulait dire par là. Il a dit roulou, la nazir là. Regarde un peu. C'est-à-dire que là, toi, moi, tous les frères que tu vois autour de toi là, tous les deux chiens, on a un roulou sans égal. Je ne sais pas dans quoi il parle, en tout cas, son kalam, on le prend de façon zahir, qu'on a un roulou inégalé. C'est-à-dire, Yomel Kiyama, on rend compte, Yomel Kiyama, ce qu'il a dit. Il n'a pas dit Batulabi, les Toulabu. Donc il dit quoi ? Innahu adar al-nas bil da'wa al-salafiyya. La ahada adar min Yahya. Il est le plus mauvais, le plus nuisible à la salafiyya. Il n'y a pas plus nuisible que Yahya. Il n'y a pas plus nuisible que Yahya. Tu vois un peu ? Je sais pas où est-ce qu'on va là. Il n'y a pas plus nuisible que Yahya. Il dit Wallah innahu Yahya yataqid anna hujum rafidati ni'matun. لكن والله إنه عقوبة من الله. Hein? Il dit والله, il rejoint par Allah que Yahya considère que l'attaque des Rafida c'est une ni'ma. sur lui. Il dit Wallah, c'est un châtiment d'Allah sur eux. Et il jure par Allah. C'est-à-dire, il sait ce qu'il y a dans les cœurs, il connaît l'aïm et l'aïb. At-talar al-aïb, amat-taraza ad-ar-rahman ar-ahda. Est-ce que tu connais l'invisible? Est-ce qu'il connaît l'invisible? Il aurait pris un pacte avec Allah, il connaît ce qui se passe. Il jure par Allah. Wallah, ce Hissa qui est arrivé, il jure par Allah que c'est un châtiment d'Allah pour nous. Également, El-Siwari rapporte qu'il a été, lorsqu'il était en visite chez lui, chez Rabia, qui est une Munakasha, face à face avec un groupe de toulab de Demej, il lui a dit Wallah, Yachir, les gens de l'Adani, ils rigolent avec toi, ils se moquent de toi, ils se servent de toi. Tu vois, Shahrabi a dit qu'il s'est énervé et tout. Il lui a dit Antum Ashad min Asad Faleh. Vous êtes pire que l'Asad Faleh. Donc regarde ce qu'il a dit auparavant, c'est l'Asad de Faleh. Ils sont pires que l'Asad Faleh. Et nous, on est pire que l'Asad de Faleh. Donc il reste quoi? Qu'est-ce qui nous reste? Si on compare ce qu'il a dit auparavant sur les gens de Faleh, donc lui, Shahrabi, regarde bien, il marche beaucoup à ça. À faire le tof dire Ashad. Adar, Aswa, Fahemt, Adar. Et aussi, il y a un audio, on a, il y a un Algérien qui l'a visité, parmi ceux qui écrivent sur lui, il y a un Algérien qui écrit un rôle sur lui. Je ne sais pas, je connais pas son hal, tu vois, cet Algérien. Il y a l'audio. Dans cet audio-là, quand Shirabi a su qui il était, il lui a dit en face, « Anta afjar khalqillah. » T'es la plus immorable créature, immonde créature qu'Allah ait créée. Avjar, Khalkillah, la plus débauchée, la plus immorale créature qu'Allah il a fait. Je sais pas si tu réalises. C'est-à-dire qu'il est pire shaitan, ça veut dire. Après, des gens disent non, il a pas de Mbalara. Rabbi al-Matrali, non, Adi, normal, il dit ce qu'il veut quand il veut. Regarde les thèmes qu'il emploie. On sait les diabétiques. On sait les malades. On sait s'il met en colère vite. Mais t'as un mu'min. Quand t'as dit un khata, tu reviens. Tout le monde passe sur la colère d'une parole qui sait qu'il dépasse, tu vois. Mais après, tu t'excuses. Tu dis, Naam, le fond reste, mais j'exagère dans des paroles, je reviens, tel thème que j'ai employé, je reviens dessus. Tel terme, j'aurais pas dû le dire, c'est vrai. Bien que le fond reste, je considère que tu es un novateur, que tu es un SB, que tu es quelqu'un de mauvais. Taïeb. Mais les termes que j'ai employés, j'aurais pas dû. Au minimum. Tu vois. On dit pas tout ce que tu dis là, reviens dessus. Si tu crois que tu as le hack vraiment, taïeb, dis-le. Mais attention, bayen. Mais bayen, ennemien. Avec science. Pas avec du foujour. Pas avec des moubala, pas avec du rouleau. Bayen, que Yahya, c'est un moutadia. Bayen, que c'est un kazak avec du rouleau. Bayen, clairement. Mais ce genre de termes exagérateurs, évite-les. Là, Mayajou. Pareillement, dans la Mas'ala, quand il dit dans son audio pirate, là, Imam Fakalayn, il reproche le terme Imam Fakalayn. Chez Abu Amr, il lui a dit, il a dit clairement. أكثر من مرة ما بالتوبة مقبول لو كان كفر لو كان سجد لسنم قد تاب لا يجوز فلا يجوز تعيير الإنسان بذنب قد تاب منه قد تاب منه qu'il a visité Cheikh Rabi et que Cheikh Rabi est au courant que le poète ait fait tauba cette parole là pourquoi tu remets ça encore aujourd'hui à jour on t'a dit qu'il a fait tauba le poète a fait une poésie dans laquelle il fait tauba dans la poésie il a écrit un papier de sa main dans lequel il fait tauba. Il est venu au micro et il a fait Tauba. Et Shayah lui-même, c'est désavoué de cette parole-là. Pourquoi tu reviens avec ça? Parce que tu n'as rien trouvé. C'est-à-dire, la Tauba, je ne voulais pas accepter. Et lui-même, il dit parmi les choses, parmi les alamas de la Hadadiyya, que demain tu fais Tauba, même eux, ils n'acceptent pas ça de toi. La Hadadiyya. Tu fais pareil que là maintenant. Tellement tu n'as rien trouvé que tu as la rage contre eux. Les gens de Medj, et tu leur en veux, mais tu n'as rien contre eux. Même des choses, des erreurs, des élèves qui ont eu lieu. Qui sont liés à une personne, pas à tout le monde. Shaykh, c'est pas lui qui a dit je suis un imam sakalain, c'est pas lui qui l'a dit. D'accord? Il a continué et a critiqué cette parole-là. Cette parole-là, on t'a dit que la parole, elle est annulée depuis longtemps. Et tu le sais, pourquoi tu la relances? Pourquoi il la relance? Et Nasir al-Amin. Il dit t'es pas un Nasir al-Amin, ça c'est l'anbiya. On a trouvé un kalem de lui. Lui-même, il le dit Ananakum Nasir al-Amin, Sharabia. Il le dit aux gens Ananakum Nasir al-Amin. Le kalam, on a mis sur le site avec la référence. Toi, tu peux le dire, toi, mais Yahya, quand il le dit, c'est la parole de le dire. Et Yahya, il a jamais dit pour les gens, Ananakum Nasihun Amin. Il l'a jamais dit, lui. C'est Shia Mokbil qui l'a dit de lui. Et les gens ont vu de lui que cette description, elle était valable. Par contre, lui, Cheikh Rabi, il a dit de lui-même, Ananakum Nasihun Amin. Lui-même s'est attribué ce truc-là à lui-même. On va aller où, là, comme ça? Et dernièrement, il a sorti un livre, en deux volumes. C'est deux livres. dans lequel il fait un rod à Shaykh dans son livre Riyad ou Al-Mustataba. Ouais, Al-Mustataba fi Sahih ou Al-Da'if Mafarid Al-Sahaba. C'est un livre dans lequel Shaykh il a pris les Sahaba dont n'ont été rapportés qu'un seul hadith et les a authentifiés ou rendus faibles. Tu vois, dans le sens de Mustalah. Donc, Al-Matrali a sorti deux volumes pour rod à ce livre-là. Comme Cheikh Aboubilal le disait, des années, 10 ans, des années que tu divises la Zahra Salafia par en dessous, que tu complotes, stratagèmes, que tu parles, que tu critiques, devant nous tu donnes un visage, que tu nous aimes, quand on n'est pas là tu nous descends. Hein? Après un audio pirate sort de toi, que tu veux même pas assumer sur ton site, tu veux même pas le mettre sur ton site, ni sur Sahab, ni sur le site qui sont avec toi, mais tu laisses tourner l'audio dans les poches des gens, tu dis rien. Tu cautionnes, tu défends des gens comme Arafat, Barmaki, qui disent que Shaykh Yahya, il incite le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qu'il incite le Sahaba, qu'il a des erreurs dans la Aqida, avec les Asha'ira ou je ne sais quoi d'autre, qu'il a du roulou et tout et tout et tout. Ma fi adar, la dar minhu, et tu nous sors un livre en 2 volumes, dans le Mustalah, dans le sens du Hadith, t'as trouvé que ça? Des erreurs énormes qui peuvent peut-être amener au kouf, t'arrives pas à répondre. Ils ont trouvé que quoi? Un truc dans le sens du hadith. Là où c'est un ilm ijtihadi dans lequel un savant peut rendre daif un hadith et l'autre peut en rendre sahih. T'as trouvé que ça, 2 volumes. Le petit Yahya, t'as trouvé que ça à lui reprocher. 2 volumes. Pour un livre à lui, dans lequel il te dit qu'en plus le livre, il est en train de le réviser. Il se peut qu'il se trompe, c'est possible. Et s'il se trompe, bon, montre-lui où se tromper, il va revenir, Inch'Allah. T'as trouvé que ça à faire. Tout ce qu'il lui reprochait, t'as trouvé que ça dans le Mustalah. Une source ijtihadiyya qui touche pas au manhaj, qui touche pas à l'aqida. C'est que t'as rien trouvé en fait. T'as rien trouvé. Dans la Mouqad d'Imam, il dit quoi? Il dit bien, qala idda'a al-hajuri mahabbat kitabillah wa sunnat rasulihi sallallahu alayhi wa sallam mahabbat ulumihima wa ahliha. Que dans son livre, il dit Shahai, il prétend l'amour pour le livre d'Allah, la sunnat de son messager et pour ses gens. C'est-à-dire, il prétend, c'est-à-dire que c'est pas vrai. Donc s'il n'aime pas Allah et son messager, ni son livre, qu'est-ce qui lui reste de l'islam? Tu rentres dans les cœurs pour savoir qu'il prétend cela, qu'il n'aime pas. C'est un mounafir, c'est ça que ça veut dire. Il dit qu'elle aime, ils sont graves. Il dit qu'avec son livre, il a voulu insulter les sahaba. Ce livre-là qu'il a fait mafalé des sahaba, il dit comment, tu sais ce qu'il y a dans mon cœur? J'ai fait un livre ilmi avec des bouhous, des nukoulas, des salafs et tout. Et j'ai voulu m'en prendre le sahaba en faisant ce livre-là. Il dit... Bien évidemment, si jamais tu as une critique à faire par rapport à ce livre, t'es fadal. Tu vois des erreurs, t'es fadal, fais-les. Réellement, scientifiquement, mais ce genre de paroles, évite-les. Évite ce genre de paroles. Fais un rod ennemi et je reviens direct dessus. Y'a pas de m'afficher. Et il dit reviens, moi je reviens dessus, tout de suite. Mais ce genre de paroles, évite-les. Parce que tu veux qu'on rentre avec ce bub-là, nous des chaussons pour les reprendre aussi. Tu vois. Pareillement. Shahabi dit quoi dans son Mouqad d'Imam par rapport à son livre? Il dit فَرَأَيْتُ أَنَّ مِنْ أَوْجَابِ الْوَاجِبَاتِ أَنَكُمْ بِحَقِّ السُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ qui réplique sur ce livre. J'ai vu que parmi les plus grandes obligations pour moi, par amour pour la sunnah, que je rode à ce livre de Shahabi. Le Tayyib, le Libana là. Le livre Libana là, il y a ton nom dessus là. Ça, il y a une khiana ilmiya dedans. Qui touche au manhaj Shalafi, qui touche au Sahaba, qui touche au Din. Il y a ton nom dessus. T'as rien du tout. Juste. Dans une assise secrète, la kitab yulra. La kitab, on l'annule, en privé. Et après, c'est un rod al-Halabi, quand al-Halabi l'a bien bloqué. Il a dit, mon livre, celui des Libanas, c'est les mêmes. Moi, tu m'as critiqué, tu m'as hazab pour ça, lui, tu dis rien. Il dit quoi, là, à ce moment-là, Rabbi Matrali, il y a que Mohamed l'imam est tombé dans des, je ne suis pas d'accord avec certains fondements dans son livre, kaza et kaza. Combien d'années après, tu dis ça? Une fois qu'on t'a bloqué, c'est là que tu parles. Eh ben, fais un rod al-Libana. Il y a ton nom dessus, jusqu'à présent, tu t'es jamais désavoué. Ton nom est dessus. Il est où le... Et alhamdoulilah, le frère Abu Dokman, on se rend à Suleiman Haïti, il a bien expliqué la masala, donc Inch'Allah, on ne va pas revenir dessus. Tayyib. Et le Ubayd Jabili, c'est fatawa, là, tout ce qu'il a fait, là. Parce qu'il dit que le livre de Shaykh Yahya, c'est une jinaya envers les ahkem du Mustalah. C'est un crime envers les règles du Mustalah et envers les Sahaba. Il dit, Ubayd, là, ce qu'il a fait, là, quand même, sur Kabin Malik, c'est pas une jinaya. Youssouf, c'est pas une jinaya. Al-Nushra, c'est pas une jinaya. Tihab, Atom, t'es con, c'est pas une jinaya. Et tu dis que c'est un imam dans la salafia. Et Yahya, par contre, m'a fait adar la da'a minhu. Ça, c'est une saf, ça. Et après, les gens disent non, non, les gens l'ont trompé, ça, il sait pas ce qu'il dit. c'est pas ce qu'il dit avec tout ça. Nassallah al-afiya. Donc pour finir par rapport à ça, donc comme tu le sais, les machins vont répliquer, ils ont fait des commentaires par rapport à ce Mukaddima du livre qui est sorti sur Shariah. Et comme ils l'ont dit, s'il y a des erreurs ilmiya, tfaddal. À la ras ou l'ain, comme on dit. Elles sont acceptées. Et Cheikh va revenir du livre. Il faut savoir que le livre, déjà, est sorti, il était mal édité. Il y a plein d'erreurs d'impression, des décalages. De un. De deux, Cheikh est toujours sur le livre, en train de le réviser. Et de trois, son livre, il est appelé El-Istidrak. Istidrak, c'est un terme qu'on emploie pour qui? Pour les morts. Ceux qui sont morts, comme Bukhari, Muslim, que des gens, d'autres ulama, comme Dar al-Qutni, ou comme Al-Hakim, tout ça, ils ont fait des istidrakat sur les kutub. De gens qui étaient plus savants qu'eux et qui sont morts. Là, tu fais un istidrak. Quelqu'un qui est plus savant que toi, tu veux corriger des erreurs de lui, ou quelqu'un qui est déjà mort. Les salafs, ils ont posé ce mot istidrak là-dedans. Le autre, tu as fait istidrak pour quelqu'un, tu dis que c'est un talib al-ilm, ma fille adore al-dara minhu, il est encore vivant. Le titre, il n'est pas approprié. Mais alhamdoulilah, comme les chefs ont dit, c'est un honneur pour Shariah. C'est-à-dire que tu l'as mis plus haut que ce qu'il est, que. Et voilà. T'as employé un terme, ben. Rien que le titre, il est contre toi. Donc, tu comprends l'istidrak sur Moutadiyah, quelqu'un qui est bas. Tu comprends l'istidrak pour quelqu'un qui est plus haut que toi, qui est déjà mort. C'est un travail énorme par rapport à toi. Tu veux juste corriger les erreurs qu'il a fait. Tu vois? Pour élever son rang. Et ben, il a fait pareil là, avec son titre, pour te dire. Et Shariah, il a fait un rod à sa Moukaddima qui sera traduit sur le site Bidna Ta'ala. Naam. Donc là, tu vois le Khurasa, que tous ces gens qui ont été injustes dans cette fitna, hein, et bien aujourd'hui, il leur arrive que des fâcheuses conséquences dans leur dîme. Et là, il parle de certains, il y en a d'autres. Il évoque certains d'entre eux, il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Mais ça, c'est les principaux. Et Rabir Matrali est parmi les plus grands manipulateurs de cette fitna. Et Shariah, il a fait de l'audit sur lui. Il n'a jamais répondu. Al-Nas, Al-Rafi'a, Al-Awwal. Le premier conseil, le premier. Pas de réponse. Le deuxième. Pas de réponse. Rien. Après également, comment peut-on faire confiance à cet homme qui a voulu rendre da'if des athars, des hadiths que personne n'a fait avant lui? Dans l'Azan al-Awwal, quand Ibn Omar a dit bid'ah, il a voulu rendre da'if un des rapporteurs qui est Hisham ibn al-Raz, qui est un imam chez les salafs que personne n'a rendu da'if avant lui. Shalabi ne pouvait pas rendre da'if Ibn Omar, ni Nafi'a. Donc il y a qui avant Nafi'a? Hisham ibn al-Raz. Donc il s'en est pris à Hisham ibn al-Raz. Il s'est mis à parler sur lui méchamment. Des paroles que personne n'a dit avant lui. Pour rendre da'if l'athar, pour pas que Shariah puisse avoir un salaf dans ce qu'il dit. Ça, c'est une khiyana ilmiya. Dans le athar de Abdullah ibn Shaqiq, quand il dit qu'il n'a pas vu un acte, que les sahaba n'ont pas vu un acte délaissé dans l'islam, qui n'amène au kouf, c'est de la salat. Lui, pour pouvoir défendre son mawqif, que Tariq al-Salaf n'est pas un kafir, il a voulu rendre da'if ce athar. C'est un athar qui a été rendu authentique par tout le monde. Personne ne l'a remis en compte. Lui, il est arrivé aujourd'hui, il veut rendre da'if. Pour défendre quoi? Sa position. L'ijmar de l'imam Shafi'i chez les salafs, que le amal d'akhil al-iman, il a voulu rendre da'if aussi cet ijmar. Il y a un truc que personne n'a devancé. Et les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Vous parlez de Shahrabi, non, on pense sur lui. Et ce qu'on dit, c'est Mu'tabar, et c'est Sahabit, il y a des adillah. Contrairement à lui, comment il parle sur les gens de Majj, les gens de la Sunna. Il a rien du tout. Il a rien trouvé. Quelques petites erreurs comme ça dans ta gauche qui peuvent vite les rectifier, qui ne méritent pas tout ce scandale et tout ce cinéma. Abadan. Vous voyez? Donc après, Cheikh Youssouf, il conclut samalzamment en disant cela. Aujourd'hui, tout cela, c'est leur mal qui leur apparaît entre leurs mains. Nama al-jaza siyat siyat mithluha. Ou al-jaza al-bindis al-amal. Les conséquences sont le fruit de tes actes. Fais une charan fa char ou une charan fa khayr. Si elles sont mauvaises, eh ben, tu auras des mauvaises conséquences. Si elles sont bonnes, tu auras des bonnes conséquences. T'as même? Donc voilà. Yadan aktafi. Nasallallah an yuwafiqana an yumitana la sunnah ou la tawhid ou la salafiyah ou la ijra ou talab al-ilm. ويوفقنا بما لما يحب ويرضاه ونقول سبحانك اللهم وبحمدك لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك مع تحيتي دماج افاف.com ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكم فيا هول مصيبة فيا هول مصيبة من ترأس هذا الحزب الجديد أو غير هذا الحزب من الأحزاب يا هول مصيبة اتبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حشرات عليهم وما هم بخارجين من النار هذا دليل عام استدل به في العموم بالعموم